Alors, on va parler maintenant, enfin, le temps qui nous reste, du film Kinshasa Kids. Alors, à Kinshasa, il y a près de 30 000 enfants accusés de sorcellerie et rejetés par leur famille qui vivent dans les rues de la ville. Kinshasa Kids est un documentaire qui raconte les aventures d'un groupe de Chégué, les enfants de rue de Kinshasa, considérés comme sorciers qui se battent contre la mafia des rues et qui forment un groupe de musique pour déjouer leur sort. Kinshasa Kids, c'est un film écrit, produit et réalisé par le Belge Marc-Henri Vangeberg, qui est sorti en début 2013. Il a gagné le prix du public pour le meilleur film au Zagreb Film Festival et le prix Odyssée Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme. Le cinéaste était de passage à Montréal en avril dernier lors du festival Nuit d'Afrique et Mélanie Lamonde l'a rencontré et s'est entretenue avec lui. Alors, sorcellerie, religion et mafia à Kinshasa, voici Mélanie Lamonde avec le cinéaste Marc-Henri Vangeberg. Marc-Henri Weinberg, bonjour et bienvenue. Bonjour. D'abord, comment l'idée vous est venue de faire votre film à Kinshasa sur le quotidien d'enfants de la rue qui gardent un espoir par la musique en dépit de leur dure réalité? C'est un peu un hasard. Moi, je travaillais en 2009, je travaillais sur un projet de film en Chine qui avait des difficultés à se faire. Et j'ai un très bon ami qui est Michel Winter, qui est manager de groupe de musique congolais. Et lui, il avait des tournées prévues en Europe, aux États-Unis, au Canada, et il n'obtenait pas les visas pour ces groupes. Tout était organisé, sauf les visas. Même les billets d'avion étaient achetés. Donc c'était une catastrophe pour lui. Et je lui ai dit, bah, écoute, puisque tes groupes de musique congolais ne peuvent pas venir se montrer en Europe, eh bien moi je vais aller les filmer sur place. Et donc ça c'était ma décision, je suis parti à Kinshasa dans le but de faire un documentaire sur la musique et la ville. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, c'était un vrai choc d'arriver dans une ville qui est énorme, des gens grouillent de partout, il y a de la pollution, des coupures d'eau, d'électricité, il y a une certaine violence. Mais en même temps, j'étais fasciné parce que cette ville vibre. Il y a des villes comme ça dans le monde qui sont particulières. New York, c'est tout à fait particulier. New York vibre. Et Kinshasa vibre aussi, autrement, mais vibre. Et ces gens sont, les gens là-bas, les Kinois sont extrêmement chaleureux, rigolent, ils ont de l'humour. Et en même temps, il y a de la musique. Et donc j'étais fasciné, comme un enfant qui découvre quelque chose. J'aime beaucoup voyager en dehors des sentiers classiques. Mais ce qui m'a surtout choqué, c'était de voir ces milliers d'enfants dans les rues. Et quand j'ai eu tellement d'émotions bonnes, moins bonnes, que je me suis dit, je vais faire autre chose. Je vais pas faire mon film sur mon documentaire sur la musique. Je vais prendre mon temps. Et je suis parti, finalement j'étais 6 fois avant de tourner, et j'ai vécu un peu partout, dans la cité, et je passais mes journées, je ne voyais pas un seul Mundélé, un seul blanc. Et voilà, et je parlais avec tout le monde, je parlais avec les enfants, je parlais avec les policiers qui ne sont pas payés, je parlais avec les musiciens qui sont talentueux, je parlais, mais qui ont besoin de concerts pour vivre, des sculpteurs, des peintres, des fonctionnaires qui avaient des difficultés. Donc voilà, j'ai rencontré comme ça plein de gens. Et qui me racontaient leur vie, leurs difficultés, leurs espoirs surtout. Et j'étais fasciné par l'énergie, l'envie. Tout le temps, je trouve l'envie de ces gens de s'en sortir, de faire quelque chose, pas les bras qui tombaient en disant c'est comme ça. Non, il y avait vraiment une lutte obligée par les conditions difficiles de vie, mais je sentais quelque chose de beau. Et donc j'ai voulu faire finalement, moi, j'ai décidé de faire une fiction qui rend hommage à toutes ces émotions que j'avais ressenties, à tous ces gens. Et au travers de toutes ces petites histoires. Donc, j'ai construit l'histoire de mon film en mettant toutes ces petites histoires ensemble. Et donc, mon film est à la fois une fiction, bien qu'il y ait quelques séquences de documentaire. Oui, d'entrée de jeu, la scène d'exorcisme à laquelle je pense est de fait percutante. Ici, selon vous, quelles sont les causes qui alimentent ce grave problème où les enfants sont accusés à tort de sorcellerie? Oui, alors effectivement, le film commence de façon très dure avec un coup de poing dans le ventre, à savoir qu'on assiste à une séance d'exorcisme, ils disent délivrance là-bas, d'exorcisme avec des enfants, et c'est vrai que c'est assez dur à voir. Néanmoins, à partir de là, le film change tout doucement de tenue et on passe par d'autres émotions, on rit, on s'est tendre, et le film est plein d'émotions positives, et les gens sortent en général heureux du film. Donc, c'est Tout à sûr que fait. voilà, la première séquence ne donne pas une vraie image du film, mais il me fallait commencer par cette séquence parce que je voulais que le film commence comme moi j'ai perçu Kinshasa avec ce coup de poing dans le ventre, avec tous ces enfants dans les rues en me disant mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et j'étais presque choqué parce que je me dis c'est un état de fait. Il y a des enfants dans les rues et bon, il y a bien sûr des ONG, il y a l'UNICEF, il y a des associations qui luttent contre ça. Mais les gens, ben voilà, côtoient, passent à côté, pour moi, c'était presque aussi choquant que si quelqu'un était en train de mourir ou de se faire casser la figure et qu'on passe à côté sans rien faire. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Mais pour faire quelque chose, il fallait comprendre le phénomène. Alors, depuis quelque temps, commence à pulluler des églises pentecôtistes, des églises de ce mouvement, des églises du réveil. Qui sont, il y en a plus d'un millier, il y en a de plus en plus, on ne peut pas se promener tous les 500 mètres, il y a une église à Kinshasa. Et quand je dis église, entendons-nous bien, hein, ça peut être un petit hangar, un bâtiment en tôle, un rez-de-chaussée, voilà, tout fait office d'église. Et ces églises donc, sont tenues par des pasteurs qui se sont eux-mêmes intronisés pasteurs. Ce n'est pas des gens qui ont fait des études de religion. Non, ils ont décidé un jour qu'ils avaient eu la foi. Ils savent bien parler, ils ont la tchatche. Et ils ont décidé qu'ils étaient pasteurs, qu'ils avaient eu la communication avec Dieu. Et forcément, ils ramènent les fidèles. Et les fidèles, ils pervertissent les rites animistes congolais. Ils les transforment. Ils mélangent différentes religions. Et c'est ça, ces églises pentecôtistes qui font que. Qui se base sur un terreau de pauvreté. Hein. Plus les gens sont pauvres, plus les églises ont la chance de pulluler. Vous Et avez perçu des intérêts ah, mais pécuniers ce n'est de que ces ça. Pour moi, pasteurs? ce n'est que ça. Je ne peux pas croire, dans la mesure où j'ai vu le fonctionnement, qu'il n'y a pas autre chose. Maintenant, je ne dis pas que pour certaines personnes, peut-être ça fait du bien de croire, hein, parce que les gens, quand ils sont en souffrance, c'est toujours bon de croire qu'un meilleur est possible. Et c'est là-dessus que se basent évidemment ces pasteurs. Et donc, c'est sûr que les fidèles doivent payer. Dans la Bible, ils disent bien, hein, le pasteur dit bien, donnez, Dieu vous le rendra au centuple. Hein. Les gens payent en espérant recevoir plein. Ils payent le pasteur, ils payent. Et donc, quand. Dans des situations de souffrance et de vie terriblement difficiles, quand des couples ont des difficultés et que les couples se séparent, en général, dans des pays occidentaux, bon, on fait le partage des biens. Quand il n'y a pas de biens, ben, la femme, elle part et c'est elle qui travaille. Elle travaille en Afrique, elle travaille en Asie, mais c'est pas elle qui a l'argent. Et donc, elle doit trouver un endroit où loger. Comment voulez-vous loger quand vous n'avez pas d'argent? Donc, c'est chez des amis qui eux-mêmes ne sont pas riches, un cousin, un membre de la famille, voilà, qui peut loger la mère. Mais ne peut pas prendre l'enfant parce que l'enfant, c'est une bouche en plus à nourrir. Donc l'enfant reste avec le père et sa nouvelle femme, donc sa belle-mère, qui ne veut pas de cet enfant du premier lit, qui ne veut pas de cette bouche en plus à nourrir, qui voudra, elle, un enfant, qui voudra, qui peut-être en a. Et donc, comment éliminer cet enfant? Et c'est là que la religion est très pratique. Et en fait, quand y a un problème qui surgit dans la maison, à savoir un cousin qui est malade, des fortes pluies, quelqu'un qui perd son travail, un prétexte futile, un verre cassé, m'a dit un des enfants du film, un verre cassé, on l'a accusé de sorcellerie. Et donc quand il y a un problème, on accuse l'enfant de sorcellerie. On dit voilà, c'est à cause de ton enfant qu'on a tous ces malheurs, c'est à cause de ton enfant que je ne trouve pas de travail, c'est à cause de ton enfant que le cousin est mort, c'est à cause de ton enfant qu'il pleut tout le temps dans la maison, c'est à cause de ton enfant qu'on n'a pas à manger. C'est comme ça que ça se passe. Et l'enfant, c'est facile, quoi. L'enfant, il se tait, il a 6 ans ou il a 8 ans, il peut pas répondre, il est juste bon pour se taire. Ben, l'enfant, il sait pas, et le père, bon, voilà, la femme, elle est assez forte en Afrique. Alors, donc, voilà. Donc, l'enfant est accusé de. C'est un sorcier, il faut l'amener à l'église. On instrumentalise Voilà. facilement la religion pour des prétextes Voilà. d'extrême Et pauvreté aussi. voilà. Et donc, l'enfant est amené à l'église. Bon, on va l'amener à l'église, on verra bien. Et là, le pasteur, il va pas dire non. Il va dire non, mais votre enfant, il est tout normal. Même on accuse même des enfants de sorcellerie parce qu'ils font pipi au lit. Donc, alors là, alors, le pasteur, il a tout intérêt à dire oui, c'est un enfant sorcier. Parce que ça lui donne du pouvoir face à toutes ses ouailles, face à tous les fidèles, parce que non seulement il est en contact avec Dieu, mais en plus il est en contact avec le diable. Et donc, au contraire, il va dire oui, cet enfant est un sorcier, mais laissez-le moi, je vais le guérir. Et donc, les familles payent. Hop, c'est bénéf pour le pasteur, les familles payent, et l'enfant reste plusieurs semaines dans l'église, et c'est là qu'il subit de terribles lavages de cerveau, des traitements physiques. C'est terrible parce que les pasteurs parlent avec ses enfants, essayent de lui faire avouer des crimes qu'il n'a pas commis, lui disent qu'il a tué dans une autre vie, qu'il a tué la nuit, qu'il a fait des choses terribles. Cet enfant qui a 8 ans, il sait pas. Et les gens sont peu éduqués, donc il finit par croire que vraiment il a fait de la sorcellerie. C'est pour ça que dans mon film, ça commence et le pasteur dit: qu'est-ce qui va se passer si tu continues la sorcellerie? Et l'enfant dit: si je continue la sorcellerie, ce sera la mort. Cet enfant, il a peut-être juste fait pipi au lit, hein, il a peut-être rien fait du tout. Et il dit: si je continue la sorcellerie, ce sera la mort. C'est tragique. Et en plus de ça, les enfants sont battus, brûlés. Certains enfants, on leur met du piment dans les yeux. Samy, c'était pour Emma, c'était du piment dans les yeux. Parfois, subir des trucs terribles. Et quand ils sont prêts, ils sont bien prêts, après plusieurs semaines, il y a une cérémonie publique dans l'église où les gens, les femmes viennent, il y a de la musique, et c'est la séance d'exorcisme, de délivrance, où le pasteur, devant tout le monde, va éliminer le diable qui est dans cet enfant. Et c'est là qu'intervient de la magie, de la très mauvaise manipulation, où le pasteur fait semblant de sortir des bouts de bois, des cordelettes, des viscères du corps de l'enfant, de la bouche, de l'oreille, du ventre. Parfois, il a quelque chose dans sa bouche, il mâche et puis il le dépose sur le ventre de l'enfant et il fait semblant que ça, il a sorti ça du corps de l'enfant, comme on le voit dans le film. Et tout ça, c'est de la manipulation que moi j'ai pu décoder très bien parce que je ne crois pas. Il fait semblant même de sortir un lézard. Quand on regarde mon film image par image, on voit bien que le lézard, il l'a déjà dans l'autre main. Et donc, et les gens qui sont là dans cette ambiance où il y a moins de lumière, il y a des flammes et il y a une sorte de décorum comme ça, la musique, c'est impressionnant. Ben, les gens croient, et les gens croient au pouvoir de ce pasteur. Et donc l'enfant est soi-disant délivré du diable. Et il peut rentrer chez lui. Parfois, il n'est pas délivré. J'ai assisté à des exorcismes, il y avait quatre enfants. Il fallait pas que les quatre soient délivrés. Donc il en a délivré trois. Il a dit le quatrième, non, le diable est encore en lui. Et ce pauvre petit bout qui devait avoir 5 ans, il a dû encore rester dans l'église. Et la pasteur, la femme qui accompagne le pasteur, a dit 2 semaines de jeûne. C'est de la folie, de l'imbécilité. Et c'est d'autant plus de la folie que le Congolais n'est pas plus, n'aime pas moins ses enfants que quiconque dans le monde. Le Congolais aime ses enfants, l'enfant est le futur, l'enfant c'est important. Mais là, dans les villes où l'Église a pris un tel pouvoir, les églises pentecôtistes ont pris un tel pouvoir, ils ont réussi à pervertir ses sentiments naturels, familiaux, traditionnels, et à faire qu'on rejette l'enfant, le futur du pays. C'est absolument dingue. Et donc à ce moment-là, l'enfant est délivré et il peut rentrer chez lui à la maison. Le diable est soi-disant sorti de son corps. Mais vous pensez bien que dans une situation de vie difficile, précaire, les problèmes, ils sont toujours là. La santé, elle est toujours fragile. Il va toujours y avoir un malade ou un mort ou quelqu'un qui va perdre son travail ou quelque chose qui va casser. On va à nouveau accuser l'enfant de sorcellerie. Parce que si on l'a pas voulu la première fois, la belle-mère, elle va pas l'accepter la deuxième fois. Et donc, elle va de nouveau accuser l'enfant de sorcellerie, d'être un sorcier. Et c'est à ce moment-là qu'on dit qu'on va ramener l'enfant à l'église. Mais l'enfant, il a déjà subi, il n'en veut plus, il s'enfuit. Et c'est comme ça qu'il s'enfuit et il rejoint ces milliers d'enfants dans les rues de Kinshasa. C'est ça le phénomène. Il m'a été raconté par tout le monde. Il y a ces 80% des cas de ces enfants. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà, une fois qu'il est dans les rues. Alors, ce qui est tragique, c'est que ces milliers d'églises pentecôtistes, elles font des exorcismes toutes les semaines. Il devrait plus y avoir d'enfants après quelques mois, puisque les enfants sont soi-disant délivrés. Or, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus parce que ça participe du système. Ils ont trouvé le parfait moyen pour vivre sur la crédulité des gens, pour faire payer les gens, pour s'enrichir. Que dire des conditions de vie extrêmes de pauvreté lorsque l'on peut comprendre que le Congo est une des terres les plus riches de par ses ressources naturelles et que la richesse qu'elle produit n'est pas au bénéfice de l'ensemble des populations? C'est un vrai paradoxe. C'est un vrai paradoxe que le pays, un des pays les plus riches du monde, au niveau du soleil, ben le soleil, il est là tout le temps. Il y a les plus grandes forêts, il y a le fleuve Congo, il y a donc l'eau, elle est là. Il y a les richesses dans le sol. Et en fait, le peuple congolais n'a rien. L'argent, alors pour revenir à... Et bon voilà, c'est peut-être cette extrême richesse qui a fait du mal au Congo, parce que c'est un pays qui a été colonisé par les Belges, Maintenant, c'est les Chinois qui sont là. Il y a une collusion entre ceux qui gouvernent et les pays occidentaux. Et donc, voilà, les richesses, voilà, c'est tragique, mais les richesses ne vont pas au peuple. Et comme les gens sont terriblement pauvres, ils doivent se débrouiller pour vivre. L'enseignement est payant, l'enseignement primaire est payant. Et c'est parce que les gens qui doivent payer, comme la plupart de beaucoup de familles vivent avec 1 dollar par jour, comment voulez-vous qu'ils payent un Minerval de 15 dollars par mois? C'est beaucoup trop pour eux. Et donc, ils font travailler leurs enfants et les enfants vont pas à l'école. Et tout ça, c'est de la folie. Alors qu'il y a franchement de quoi faire un enseignement, un vrai enseignement, des vraies classes, des professeurs payés, des chaises, des tableaux. Il y a des classes qui se font par terre, quoi. Des choses, ça va pas du tout. Oui, et avoir le potentiel et le talent des enfants dont vous mettez en scène dans votre film, c'est clair qu'on peut trouver des solutions pour Oui, les éduquer. parce que moi j'étais évidemment, c'est ça que le film montre, c'est que tous les gens qui sont dans le film ont un talent fou, une volonté de s'en sortir. Les enfants, ils ont envie évidemment de sortir de la rue. On a tendance à considérer à mépriser ces enfants des rues, ça m'hallucine quoi. Ouais, ce sont des chiés. Il y a le mépris, les gens là-bas, à qui ils disent avec mépris, parce qu'il y a un truc qui s'est passé, ça fait partie des meubles, ça fait partie du décor, les enfants des rues. Et peut-être fallait-il un regard extérieur. Alors, je suis pas franchement de loin, pas le premier à m'occuper des enfants des rues. Il y a beaucoup d'ONG, mais pour moi, ce regard extérieur, en tant que même pas en tant que cinéaste, en tant qu'humain, je trouvais ça hallucinant, quoi, qu'on ait la même attitude face à des enfants qui ont 10 ans que face à peut-être des mendiants barbus sales et qui en ont 50. C'est pas la même chose, quoi. Et en même le mendiant barbu qui a 50 ans qu'on trouve dans les rues ici en Occident, il a une trajectoire, il n'est pas là pour rien, c'est pas de sa faute non plus, il est là. Parce qu'en fait, ce phénomène, finalement, ça arrange l'État. Ça arrange l'État, les gens sont croyants, les gens préfèrent plutôt se confier à un pasteur que se plaindre à l'État. Le pasteur est presque devenu celui qui va les sauver. Et pas l'État qui remplit ses fonctions. Et tout ce système, en fait, cohabite et sans que ce soit une vraie volonté de. Enfin, ou peut-être est-ce une vraie volonté du gouvernement, j'en sais rien, mais enfin, les choses fonctionnent comme ça et n'ont pas l'air de changer. Les exorcismes sont interdits, mais ils sont pratiqués. C'est à se demander si l'État n'existe pas. L'État ne remplit pas, ouais, l'État devrait réagir, l'État devrait, avec les immenses richesses qu'il y a, que la vie des gens soit moins dangereuse, que les enfants aillent à l'école, qu'il y ait des soins de santé, enfin, toutes ces choses-là qui semblent évidentes pour nous occidentaux, et il n'y a pas de raison que pour un pays aussi riche, quoi. La Belgique a pu s'enrichir. Grâce au Congo, et pourquoi le Congo ne peut pas s'enrichir grâce à lui-même? C'est un truc qui va pas, quoi. Maintenant, ce sont les Chinois. Et c'est ça que qu'en fait, c'est aussi ça l'essence de mon film, c'est de montrer l'espoir, parce que tous ces gens ont une énorme volonté dans mon film, et ils font les enfants, ils veulent sortir de leurs conditions d'enfants des rues, ils font leur groupe de musique, c'est eux-mêmes qui ont choisi le nom du groupe Diable Azaté, le diable n'existe pas, et c'est eux-mêmes qui ont composé la chanson du film qui est Boum Boum Tchaka. C'est eux-mêmes, quoi, c'est dingue. Donc, comme je vous disais, pendant 5 mois, ils ont vécu dans une maison avec professeur et tout, mais c'est eux qui l'ont écrite et qui l'ont composée. Et donc, Bepson, il avait envie de faire son disque, je lui ai produit son disque. Joséphine, elle voulait sauver son restaurant, le but était de. Voilà, chaque personnage qui est choisi a un but, et c'est en ça que je pense que le film est bien, qu'il est moteur, qu'il est enthousiaste et qu'il donne de l'espoir. C'est que dans une situation tragique de vie, les gens ont des projets, et c'est ça qui les rend d'autant plus beaux.